Puisque j'ai commencé, je vais vous rapporter deux perles de son conseiller. Monsieur, vous devez rendre des comptes à la société. À la société. Je rends des comptes avec les sangs et les spermes sur mes magnifiques tableaux et l'insomnie de mes écrits. À vous, j'ai seulement des petits droits de chômeur, pas extraordinaires, à vous réclamer à mon tour. Monsieur Francesco, je ne suis pas ici pour vous faire cadeau de plus de 28 jours par an d'absence de Paris. Ne me suppliez pas, je ne suis pas humain, je suis une machine. Dites donc, cela n'est bon ni pour vous-même ni pour personne qui vous a transformé en machine alors. Si vous n'êtes pas d'accord avec la politique du Pôle emploi, écrivez une lettre à M. Sarkozy. Ne me dites pas que le président vous a pris par les oreilles et vous a sorti du chapeau. Je n'ai pas à passer par lui pour vous attendre, cher conseiller. On ne se met pas à poser la question de sa tricherie au showman. Dans ma ville natale, près de Naples, si ça ne plaît pas, il y a les tomates et les œufs pourris. Nous sommes tous des showmen. Il n'y a pas de lapin. Maintenant que j'y pense, chère Marie, je vois que mon ami italien aurait dû répondre quand son conseiller lui a dit d'écrire une lettre à Sarkozy, une autre, comme s'il avait l'habitude. Peut-être la machine serait-elle redevenue humaine. Retenez les deux perles. 1. Quelqu'un qui vous demande, parce que vous êtes chômeur, de rendre compte à la société, comme si vous étiez pris la main dans les sacs. 2. Quelqu'un qui dit qu'il est une machine. En l'occurrence, c'est celui qui vous demande de rendre compte de tout. Mais mélangez cela avec des cauchemars récurrents, avec une sueur froide, avec les bras qui lâchent, la poitrine opprimée, avec la panique et à chaque convocation d'être radié de ses statistiques, d'être pris pour un profiteur, un parasite. Et cela, c'est juste ce dont Francesco se plaint ouvertement. L'on ne sait pas quelle procession les traverse à l'intérieur. Il n'y a pas la force ou l'inconscience d'accepter la servitude du travail normal. Mais il pense qu'il a le droit d'être pris en compte en tant que non salarié. En plus, il travaille dans l'art avec obstination et sacrifice. Depuis la béatification de Van Gogh, tout le monde sait ce sont des mérites, c'est une production. Il y a dans la béatitude de la chaîne de production. Il s'est fait insulter, chère Marie, comme se font insulter tous ceux qui ont des travaux asservissants. Je ne vois pas la différence entre l'art et l'esclavage d'aujourd'hui. Morale du travail à l'appui. Il est allé, lui, qui s'efface au moindre bruit, jusqu'à accepter de faire une figuration pour une série policière. Tout ce qu'il met en scène à la télé française, c'est de la police. La police et encore la police. Il fallait travailler, ne soit-il qu'à quelque chose de facile et de vite fait. Il pleuvait, c'était l'hiver et l'on tournait à l'extérieur. Une autre figurante lui a donné du papier journal pour mettre contre sa poitrine sous la chemise. La première séquence, le pauvre Francesco a réussi à ressembler à un piéton qui s'arrête quand deux voitures s'écrasent l'une contre l'autre. Mais au moment de la fusillade, il croyait qu'on ne tournait plus. Il s'est souvenu de la phrase de l'assistant du réalisateur: faites comme si vous craignez pour votre vie. Et pris d'une joie nerveuse, il s'est relevé en riant. Franchement, c'est alors que les détonations lui ont fait comprendre qu'on tournait encore et il a eu du mal à craindre pour sa vie à nouveau. Je pense qu'ils sont doux tout coupés, lui ai-je dit pour les rassurer. Il y en a qui font du chômage un objet de réflexion, sinon esthétique, du moins artistique. Je pense au cinéma de Pierre Merezkowski. Cinéma autour du militantisme, de contresens, de directives sociales, aussi bien que démonstration d'anarchisme nihiliste prophétique. Il postulait, je crois, de suivre la tradition prophétique juive quelque part. J'ai discuté avec lui qui disait que les interrogatoires du chômeur répondaient à son vieil idéal soviétique. L'État cherchant à savoir ce que nous faisions et si nous étions organisés ou quelque chose comme ça. Mais qu'en même temps nous vivions la cruauté du capitalisme, je lui disais que si nous étions des capitalistes pour de vrai, ça serait idéal. Mais qu'on ne pouvait ici même pas capitaliser son échec. Oui, Pierre Merezkowski me disait que l'échec en tant que capital donnait en revenu de nouveaux échecs. Toute une chaîne de travail à produire de l'échec, une entreprise importante, donc. Mais ça, c'est le monde qui est fait de paroles, de chuchotements à rendre fou. Nous aspirons au son du cœur à l'intérieur d'une mer porteuse, me dit-on. Et tant mieux, son âme est grande avant tout. Accepter de donner un enfant à la vie bien avant que l'effet d'être payé. Je ne la retrouve la grandeur d'âme, chère Marie, que quand je prends distance et que je m'en vais pendre à mon atelier. Là, je suis à l'intérieur d'un cube, une espèce de station orbitale qui serait dans l'espace sidéral. Je me sens un cosmonaute. Je répète, parce que, fils de la technologie, je voudrais que vous m'ayez en boucle. Donc, cosmonaute dans un espace cubique. Les images qui sont produites dans cette nuit sans fin ne sont pas de ce monde. Elles ont trépassé la musique de ces sphères. Elles sont supralunaires. J'ai peur qu'au sortir de l'atelier, elles puissent contaminer la terre entière d'un malaise galactique, d'une peste céleste, telle mon elle relève d'une culture autre, ou comme je signe un chef de lettres d'une contre-culture, une jeune femme bicéphale, une femme noire qui embrasse les mousseaux dans l'opard, une infirmière inspirée en fulguration de l'écrivaine Dahlia, qui dansait dans une vidéo que j'ai regardée sur mon blog, sur son blog en soutien-gorge dans la durée d'un léger clin d'œil, puis des mises en scène de Berthe, et une tenue féerique au rendu hot, portant une croix qui la rend plus horny. C'est peut-être à cause de nos ascendants que Berthe et moi nous sommes féconds ensemble. Deux ascendants, très bons, pour l'amour et la sexualité, et qui n'étant pas aveuglés du soleil, font un point pour la poursuite d'une ellipse. D'une ellipse. Je les considère nobles, les miens liés à la danse et au théâtre. mais aussi à la stratégie, celui de Castor et Pollux. L'ascendant de Berthe préside la ville pontificale, la ville impériale, Rome, qui est sotto il segno dello scorpione. Une autre phrase en italien mémorisée depuis longtemps résume pour moi les limites et la grandeur de l'art conceptuel. Compris et vite lassant pour moi. Un art dans le programme est d'être annulé. Il segno ripetuto diventa un altro segno. L'art classique, l'art moderne comme expression métaphysique du classique sont un signe répété seulement une fois, un signe unique. On oublie vite que tout l'appareil de la structure du tableau disparaît dans son intensité puisque son rapport à la tradition est d'en être partie vivante, tandis que si l'on ne retient que des concepts dans l'art, c'est comme embrasser un squelette. Il y a quelque chose de macabre à vouloir déclarer mort l'art, l'homme, l'histoire ou les dieux. Ça, c'est du travail à long terme, dans l'incertitude, peut-être pour n'accomplir qu'une déperdition. Tout comme les collages très personnels ou les grands tableaux au crayon, des couleurs qui sont pratiquement invisibles en photo. Je dégoûte par les singeries des couleurs qui, moi, qui avaient la valeur sûre du dessin, j'ai fait le pari d'être aussi charnel que l'espèce de condottiero leonardesco auquel Francesco était censé écrire une lettre. En fait, comme si j'avais déjà écrit cette lettre de sa part et qu'on avait correspondu et qu'ici j'étais le magicien et le monde extérieur était tout du lapin. Je regrette de ne pas avoir fait mousser ma jeunesse dans tout cela, chère Marie, d'avoir été indiscret à propos de mon ami et d'avoir conçu un mélange de passé et présent. Amicalement, Manuel Montero. Le grand bouteillon, un autre récit critique. Le grand bouteillon. Mais Orphée et Orphisme sont deux choses fort différentes. Et il faut avouer que je sais très peu de choses de l'Orphisme à ses débuts et que plus je lis sur ces sujets, plus ma connaissance diminue. Et R. Dodds. Les grands bouteillons. Je suis de plus en plus convaincu que la radio ment. La radio de droite ment aux gens de droite. La radio socialiste ment aux pauvres gens de gauche, en Espagne comme ailleurs. Même la musique est un mensonge. C'est pour cela que les jeunes ont de plus en plus envie de gueuler sur la ville de Grenade, de s'enivrer jusqu'à la nausée et faire le jeu de l'amour sous une musique étourdissante. Ils s'affluent au centre-ville des jours particuliers et ils accomplissent le chaos. Cela s'appelle en Espagne un jour de botellon à cause des bouteilles cassées de partout qui restent le lendemain. Les lettres à la rédaction des journaux s'accumulent avant et après chaque jour signalé au nom de la pudeur, du silence et d'une conception étroite du civisme. Heureusement, de tous les coins de la jeunesse, on assiste à la fête et ce mélange riche et pauvre, coincé et défoulé, dans une sorte de protestation contre tout. L'impossibilité de bouger en voiture ces jours-là, qui sont parfois à l'origine des fêtes religieuses catholiques fériées, est la moindre des choses. L'on ne peut non plus traverser les centres-villes à pied si l'on ne se laisse emporter par l'ivresse pour trouver soi-même son chemin. La vie est courte. Ils ne font qu'en profiter, peut se dire le vieux espagnol au fond de son insomnie. S'il avait été sévère ou maître des choses, Toute cette suite d'événements serait déracinée dans la peur du flic comme en France. En fait, les jeunes gueules vomissent dans leur folie collective au nom de toute la société. C'est pour ça que ces jours-là, l'hirsute fêtard peut monter sur une majestueuse fontaine pour mieux s'entendre chanter. Et tout s'enchaîne. D'un balcon, en face, une belle blonde enlève son t-shirt et montre des seins à la foule dansante et à l'hirsute sur les pinacles. C'est vrai. Ces coups-là, plusieurs personnes me l'ont confirmé, et ce n'est rien en égard de l'ensemble. Les citations transpercent les demeures les plus cachées, et moi-même, en train de peindre à la nuit à mon atelier, je suis entouré de leurs rires vivifiants, de leurs cris de fauve. Ce sont des longues nuits où même les jeunes catholiques consomment des drogues, et les déguisements les plus luxueux d'un Espagnol ou un Espagnol peuvent se permettre de sortir du placard pour se faire tacher de partout par les éclaboussures d'alcool. Moi, j'ai tendance à être inspiré pour peindre ou lire, et je sais faire juste des passages dans la foule pour sortir et rentrer chez moi avec des prétextes futiles mais significatifs, comme acheter du Red Bull pour avoir de l'énergie à peindre ou des cigarettes pour mon anxiété. Je suis un homme privé par-dessus tout. Et tout se passe dans l'intimité de l'atelier. Mais les choses arrivent toujours ces jours de bouteille. Il y a pour tous un degré de plus dans l'initiation de l'univers. Les hommes en ville ne se voient pisser ou vomir ou chier ou même danser que dans des lieux clos. C'est ma propre théorie du jour de la bouteille que je rédige en français pour ne pas gâcher la fête aux Espagnols qui l'ont depuis longtemps assimilée. Il y a un côté initiatique dans cette vision réciproque de l'autre dans son état qui serait le plus animal. La jeunesse est joyeusement vulgaire jusqu'au comble de la nuance et de la délicatesse. Je ne suis pas assez aigri pour leur reprocher cela. Moi aussi, je peux écouter en boucle une musique complètement idiote. En fin de compte, c'est ça qui fait que je suis peintre et non professeur. Une facilité à ce silence, un temps intensifié, s'établit le jour de la bouteille et sa nuit. L'on se plaint des choses sans presque faire d'effort. J'ai monté la pente qui mène à mon atelier. Après minuit, ou dans un temps où quelques consécrations venaient d'être déjà réalisées, les motos traversaient ma roue à toute vitesse en sens interdit et j'ai aperçu les deux jeunes femmes au moment de sortir mes clés. Leur tenue imitait celle de Madonna, mais leur art qui excellait dans les parlers espagnols m'ouvrit l'intimité d'un genre de femme toute familière. Un peu la belle cousine que toute espagnole a. Elle s'était. Elle s'était nettement plus jeune que moi, mais leur grand sourire impatient me montra que j'étais encore un gamin pour elle. Elle s'était nonobstant un peu occupée, puisqu'elle s'était en train de chier à ma porte. Nous nous sommes dit bonsoir, je leur ai demandé mes doucets, de leur jolie ivresse et de les troncs qu'elle déposait devant moi, si tout allait bien. Oui, ça va. Et j'étais en train d'ouvrir l'atelier. Tacitement, l'on faisait partie de la même fête. Et la notion que je puisse être dérangé de leur caca chez moi était exclue. Aussi était-elle confiante de leur beauté, de la sympathie régnante. Je leur aurais demandé de me chier sur le visage qu'elle n'aurait eu de l'inconvénience à mousser à le faire. Je rentrais à l'atelier, fermai la porte doucement. Je suis mis à voir mon Red Bull, a fumé mes cigarettes et j'ai peint un tableau à l'huile jusqu'au lendemain où se furent les cloches des nonnes du couvent à côté qui m'envoyèrent dormir sur le canapé.